Le 28 juillet, la bande de Bakouné a fini par installer la fondation pour le soutien aux anciens esclaves sexuels, malgré la protestation des victimes de l'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise et des milieux sud-coréens. Les formations civiques et sociales de différents milieux ont estimé la fondation comme un acte antinational pour dissimuler le forfait de l'impérialisme japonais au prix de quelques sommes d'argent et livre la lutte après avoir déclaré l'annulation complète de l'accord pour les intérêts japonais.